Chapitre 3e. La chute du haut des falaises. Irai-je ou n'irai-je pas ? Se demanda avec anxiété Lady Adélaïde, tout en regardant, à travers les rideaux de mousseline d'une des fenêtres du salon, la nuit étoilée. Hormurth m'a dit qu'il ne pourrait pas venir ce soir. Quel ennui ! Ah, les insupportables gens ! Une si belle nuit ! Tant pis, je me décide, j'y vais, ajouta-t-elle après un moment de réflexion. Après tout, pourquoi ne serais-je pas libre de me promener seule ? Je suis indépendante, j'imagine. Aurait-il donc la prétention de me traiter un enfant ? Comme la lune est belle se reflétant dans la mer. 5 minutes seulement et je reviens. Il me semble que j'étouffe et que mes poumons ont besoin d'air frais après la chaleur et le gaz de la salle à manger. Elle se retourna et jeta un coup d'œil rapide sur Lady Dane. Non, il n'y avait aucun danger de ce côté. La vieille dame s'était profondément endormie dans son fauteuil. La nuit était en vérité admirable. La mer était calme et la lune si brillante qu'on se serait cru en plein jour. Le vent frais de la matinée n'était plus qu'une douce brise, à peine suffisante pour pousser au large le petit yacht du colonel Mountain. Adélaïde Erol quitta le salon sur la pointe des pieds, s'enveloppa de son châle gris, se couvrit la tête de son capuchon et sortit vivement par la grande porte du château. Lady Dane dormait d'un sommeil profond. Les événements de la journée l'avaient ennuyée et fatiguée. Cette querelle de son fils avec Ravensbird l'agitait encore en ce moment. Elle rêvait que la lutte recommençait, que Harry avait saisi Ravensbird et le frappait au visage, et que le malheureux poussait des cris perçants. La scène était si vive dans sa mémoire que Lady Dane s'éveilla. Elle s'éveilla et entendit les mêmes cris. Elle se leva n'en croyant pas ses oreilles et se demandant ce qui pouvait se passer. Elle s'étonna d'être seule. Mais ces cris n'étaient pas poussés par Ravensbird. C'était les cris perçants d'une femme et ils partaient de la pelouse en dehors du château. Lady Dane se précipita vers la fenêtre, l'ouvrit et regarda. Une forme grisâtre courait éperdument sur la pelouse dans la direction du château. Lady Day ne la reconnut pas au premier coup d'œil, quoique le capuchon flottât en arrière de la tête et que le cheveu fût parfaitement visible au clair de lune. Elle aperçut en ce moment Bruff, suivi des autres domestiques, se précipitant sur la route et une jeune fille se jetant dans leurs bras en poussant toujours les mêmes cris aigus. Lady Dane, au comble de l'étonnement et de la frayeur, recula épouvantée. C'était sa nièce, Lady Adélaïde. Elle descendit aussi vite que son âge le lui permettait, au rez-de-chaussée, dans le grand hall, et rencontra Bruff ramenant Lady Adélaïde. Tremblante, haletante, gémissante, incapable de se soutenir, la jeune femme était évidemment sous le coup de quelque horrible terreur, de quelque épouvantable cauchemar. Il était inutile de chercher à l'interroger. Elle n'était pas en état de répondre. Elle se laissa tomber sur une chaise en proie à une violente attaque de nerfs. On aurait pu entendre ses cris à moitié chemin de Danechild. Les domestiques, consternés, après l'avoir débarrassée de son châle, coururent chercher des sels et de l'eau fraîche. Lady Dane lui réchauffait les mains. Tout à coup, on entendit la voix de Lord Dane appelant Bruff. L'intendant s'empressa de courir à la salle à manger, et Lord Dane, encore assis au bout de la table, le cordon de la sonnette attaché à sa chaise par un ruban de soie, lui demanda avec colère ce que ce bruit inconvenant signifiait. « My lord, c'est Lady Adélaïde, elle semble malade. »« Elle semble malade, que voulez-vous dire ?»« Elle était dehors, à ce qu'il paraît, my lord. »« Elle venait du côté des hauteurs vers le château, en courant et en criant, quand nous sommes sortis. »« Il faut que quelque chose l'ait effrayée. »« Comment ?»« C'est Lady Adélaïde qui pousse de tels cris. » Lady Adélaïde, sortant du château pour aller aux falaises à 7 heures de la soirée ?» s'écria Lord Dane d'un air irrité et incrédule. « Ce n'est pas vraisemblable, Bruff. »« Mais, my lord, c'est la vérité, cependant. »« C'est bien Lady Adélaïde qui pousse ces cris perçants que vous entendez en ce moment, my lord. »« Milady est près d'elle. »« Défaites cela, » dit Lord Dane en indiquant le ruban attaché à sa chaise. Le sommelier obéit et Lord Dane, touchant au ressort, fit avancer doucement sa chaise sur le tapis. C'était une de ces chaises construites spécialement pour les infirmes et qui leur permettent d'aller d'une chambre à une autre sans le secours de personne. Bruff ouvrit à 2 bâtons la porte du hall et Lord Dane poussa sa chaise de manière à ce qu'elle fît face à Adélaïde. Les attaques de nerfs ne sont pas ce qu'un peuple pense, et celle-ci, à l'arrivée de Lord Dane, se calma tout à coup. Lady Adélaïde, cependant, tremblait de tous ses membres comme si elle eût eu une fièvre ardente. Elle était d'une pâleur livide. « Que signifie tout cela, Adélaïde ? » demanda Lord Dane. « Avez-vous été effrayé ? Que s'est-il passé ? » ajouta-t-il presque aigrement, en se tournant vers sa femme, car Adélaïde venait de se cacher la tête entre les mains, comme si elle refusait de répondre. « Bref me dit qu'elle était sur les falaises et qu'elle est revenue au château en criant. Je ne comprends pas. » « Je n'y comprends rien non plus, » répondit Lady Dane. « Il est parfaitement vrai qu'elle était sortie, car je l'ai vue et entendue. Il faut que quelque chose l'ait effrayée. » « Mais pourquoi était-elle dehors si tard ? Pourquoi sur les falaises ? C'est justement ce que je voudrais savoir. Quand je me suis endormi après le dîner, elle était avec moi dans le salon et lisait. Il n'y avait certainement pas plus de 5 minutes que je dormais quand j'étais réveillé par des cris perçants. Vous les avez entendus comme moi, n'est-ce pas ? Et je l'ai vue revenant des falaises. Je lui ai demandé 10 fois pourquoi elle était sortie. Elle ne m'a pas répondu. » Lord Dane, aussi irascible et aussi violent que pouvait l'être son fils, et peu habitué à la résistance, poussa sa chaise encore plus près d'Adélaïde, sur l'épaule de laquelle il posa sa main. Quelques-uns des domestiques étaient encore autour d'elle, mais il n'y prit pas garde. « Maintenant, faites bien attention, Adélaïde. Les choses ne peuvent continuer ainsi. Je veux savoir ce qui s'est passé, et je le saurai. Pourquoi étiez-vous sortie ? Je ne sais pas, » répondit-elle en frissonnant. « Mais il faut que vous le sachiez. Vous n'êtes pas somnambule. Adélaïde, comprenez-moi bien. » Je vous demande la vérité, et je veux que vous la disiez. Étiez-vous allé rejoindre quelqu'un ? Continua-t-il, un soupçon lui traversant tout à coup l'esprit. Oh non, non, en vérité, non, je vous jure, Lord Dane, ce n'était pas pour cela. S'écria-t-elle avec une véhémence quelque peu étrange. Je pensais que peut-être vous étiez sorti dans l'espérant de rencontrer Harry, ou que vous l'aviez accompagné. Une bien grande folie à tous deux, s'il en était ainsi. Puisque vous avez la liberté de vous promener ensemble aussi souvent qu'il vous plaît dans la journée. Mais Harry était parti déjà pour se rendre au yacht. Je le crois, du moins. J'attends vos explications, Adélaïde. Je dirai la vérité, fit-elle d'un ton plus calme, quoiqu'elle ne cessât pas de pleurer. J'étais devant la fenêtre, après que ma tante se fût endormie, et j'admirais la beauté de la nuit. Jamais je n'avais vu de soirée plus admirable. Et l'idée me vint d'aller jusque sur les falaises faire une promenade de 5 minutes. Je mis mon grand châle et je partis. Je ne pensais pas mal faire. C'était là une bien jolie expédition, observa Lady Dane. Les jeunes femmes ne vont pas courir seules la nuit dans ce pays, Adélaïde, quelque brillant que soit le clair de lune. Adélaïde fut peu sensible aux reproches. Elle se souciait médiocrement de l'opinion de sa tante. Ce qui l'effrayait, c'était le regard pénétrant de Lord Dane fixé sur elle. « Vous ne nous avez pas dit ce qui vous a effrayé ?» reprit tranquillement Milord. « Et je ne le sais pas moi-même. »« Vraiment, mon oncle, je ne le sais pas. » »« J'étais assez folle pour m'imaginer que je pourrais faire la fanfaronne et traverser les ruines de la chapelle. Mais je n'y étais pas plutôt entré qu'une horrible frayeur me saisit, et je me précipitai vers le château en criant. Je n'aurais pu m'empêcher de crier, quand bien même le silence eût été pour moi une question de vie ou de mort. « Pauvre petite !» dit Lady Dane, émue. C'est à peine si j'ose regarder ces ruines en plein jour, continua Lady Adélaïde avec un tremblement nerveux, et la nuit, elles me paraissent pleines de fantômes. Oh, ma tante, je vous jure que je n'y remettrai plus les pieds. Lord Dane n'avait nullement l'air convaincu. Quant aux fantômes, il avait toujours cru, jusqu'à ce moment, que s'il existait sur la terre une personne peu susceptible de se laisser dominer par de tels enfantillages, c'était bien Lady Adélaïde. « Adélaïde, dit-il gravement, rien d'autre ne vous a-t-il effrayé ? Personne ne vous a-t-il accosté sur les falaises ? Personne au monde ? Répondit-elle vivement. Personne ne m'a vu ou ne s'est aperçu de ma présence. Il n'y a jamais personne sur les falaises de la nuit, mon oncle, vous le savez bien. » Un taureau furieux a-t-il franchi les clôtures et s'est-il égaré sur les falaises ? S'écria Lord Dane de plus en plus irrité. « Sur mon honneur, je ne vois pas d'autre explication à une terreur aussi ridicule. »« Pauvre enfant !» murmura de nouveau la compatissante Lady Dane, qui croyait au récit de sa nièce du premier mot au dernier. « Elle vous a dit toute la vérité, j'en suis sûr, Geoffrey. Ne rappelez-vous pas que moi-même, dans ma jeunesse, j'avais peur des fantômes et que si j'étais forcé de passer par hasard dans la chambre de la mort, je me cachais le visage de mes mains. Vous rappelez-vous comme vous vous moquiez de moi ?» « Allons, c'est bien, essuyez vos larmes, » dit Lord Dane acceptant l'explication, quoiqu'il eût encore quelques doutes dans son esprit. « Vous feriez bien d'aller dans la salle à manger et de boire quelque chose. Croyez-moi, Adélaïde, ne vous aventurez plus à sortir seule la nuit, de peur de rencontrer de vrais fantômes, plus dangereux que ceux de votre imagination. » Lord Dane toucha le ressort de sa chaise et quitta lentement le salon, accompagné de Lady Dane. Adélaïde, passivement obéissante, se levait pour se rendre dans la salle à manger quand son regard rencontra par hasard celui de sa femme de chambre, fixé sur elle, avec une si étrange expression que la malheureuse fille fut de nouveau saisie de terreur. « Qu'y a-t-il, Sophie ? » bégaya-t-elle. « Rien, milady. Je n'ai pas peur des revenants. Quant à moi, je ne croyais pas votre seigneurie si crédule. » Elle dit ces mots d'un ton étrangement effronté, presque insolent. Lady Adélaïde, cependant, au lieu de lui imposer silence comme elle le méritait, semblait plutôt portée à se jeter à ses pieds et à la supplier de ne pas en dire davantage. Presque à la même heure, plutôt un peu avant, Michel, le garde-côte, en faisant son quart, atteignait le point des falaises près du château de Dane, où la nuit précédente Richard Ravensbird lui avait parlé. Il s'avançait avec précaution. Les rochers à cet endroit formaient une telle saillie sur la plage que le sentier praticable n'avait pas plus d'un pied de largeur. Son pas monotone et régulier pouvait être cependant un peu plus pressé qu'à l'ordinaire, car c'était son dernier tour de faction avant que la marée fût tout à fait haute, et Michel, d'une santé délicate, aspirait toujours à l'heure du repos. Il n'avait pas encore dépassé l'étroite langue de terre au-dessous des rochers, quand il entendit un bruit de voix furieuse qui semblait venir du sommet des falaises dans la direction des ruines de la chapelle, de l'endroit même où Ravensbird s'était penché la veille au soir pour lui parler. Michel, tout naturellement, leva les yeux. Il ne put rien distinguer. Les rochers s'élevaient trop perpendiculairement au-dessus de lui. Mais une minute après, deux hommes, à ce qu'il lui sembla, du moins par le clair de lune, apparurent tout à fait au bord des falaises engagés dans une lutte corps à corps. Le bruit des voix avait cessé en ce moment. Les deux hommes, acharnés l'un après l'autre, semblaient comprendre qu'il y allait de la vie. Le combat était terrible et Michel, saisi d'horreur, en pensant au danger d'une telle lutte au bord de ce gouffre, restait cloué à sa place, incapable de faire un mouvement et comme hébété. Tout à coup, un des deux hommes, soit qu'il eût fait un faux pas, soit que son adversaire l'eût poussé en avant, fut précipité du haut de la falaise. Immédiatement après cette chute, Michel entendit dans le lointain des cris de terreur, cris perçants, quoique affaiblis par la distance, et n'appartenant évidemment pas à une voix d'homme. Michel, au comble de l'épouvante, tremblait de tous ses membres. Le cœur, comme on dit, lui sautait aux lèvres. Ainsi qu'on a pu s'en apercevoir par sa conversation de la veille avec Ravensbird, il ne brillait pas précisément par le courage. Il en est souvent ainsi des hommes d'un tempérament délicat et toujours maladif. Et Michel, quoiqu'il eût assez d'énergie pour résister à sa langueur habituelle et faire son métier, était toujours souffrant. Dans son enfance, il avait même été sujet aux attaques d'épilepsie. Il eût fallu réellement faire de grands efforts pour lui-même, pour réussir à mettre un pied devant l'autre. Il craignait autant la vue d'un homme mort que les petites filets revenant. Et il ne pouvait douter que la malheureuse victime gisant à ses pieds ne fût morte, broyée par cette horrible chute. Haletant, frissonnant, il fit enfin quelques pas en avant et se traîna le long de la plage jusqu'à l'endroit où l'homme était étendu sans mouvement. Mort. Il paraissait l'être du moins. Le visage était contracté, les yeux fermés, la bouche légèrement entr'ouverte. La peau avait, au clair de lune, une teinte bleuâtre et sépulcrale. Michel recula d'horreur en reconnaissant les traits de ce visage. C'était ceux de l'honorable William Harry Dane. La première pensée qui vint à l'esprit du garde-côte, c'est que l'autre homme devait être Ravensbird. Qu'y avait-il à faire? Dans sa consternation, dans sa terreur, Michel ne savait à quelle partie s'arrêter. Il ne savait même pas s'il pouvait en prendre un. Il leva machinalement la tête et appela à haute voix, espérant qu'on l'entendrait peut-être des hauteurs ou de la plage. Personne ne répondit. Il était peu probable que l'autre combattant vint au secours de sa victime, et très vraisemblablement, personne d'autre ne se trouvait sur les falaises à cette heure de la soirée. Les cris qu'il avait entendus quelques instants auparavant avaient cessé, et Michel commença presque à douter d'en avoir réellement entendu. Il ôta sa vareuse, la plia, et la plaça sous la tête du capitaine Dane. Il chercha à ranimer son corps, lui frictionna la poitrine, lui frotta les mains, lui aspergea le visage d'eau de mer. Tout fut inutile, Le capitaine ne fit pas un mouvement et ne donna pas le plus léger signe de vie. Si un vaisseau eût été en vue à ce moment, le pauvre Michel, dans son désespoir, lui ailait de toute la force de ses poumons. De nouveau, il éleva la voix, une bien faible et bien pauvre voix, hélas, et se mit à crier dans la direction des falaises. Mais les échos répétèrent ses cris dans le silence de la nuit sans que personne les entendît. Tout à coup, le malheureux homme fut saisi d'une espèce de terreur panique. Ce n'était plus seulement l'idée de se trouver seul, sans secours, en présence d'un mort. La pensée le frappa tout à coup que la marée montait et que le corps de Harry Dane allait être submergé et entraîné en pleine mer. Michel était un de ces hommes auxquels tout événement inattendu fait perdre la tête. Il était aussi incapable qu'un enfant de prendre une résolution. Le moyen le plus simple pour s'éloigner rapidement de la plage était de retourner sur ses pas par la route qu'il venait de suivre tout à l'heure jusqu'à l'escalier pratiqué dans les rochers. Ce même escalier qu'avait descendu dans la journée le pauvre capitaine Dane et son ami l'Américain. Par cet escalier, il serait parvenu en quelques minutes au sommet des falaises. Il aurait pu ainsi arriver très vite au château et y réclamer assistance. C'était là pour Michel la seule route à suivre. Malheureusement, il se dit qu'en courant le long de la plage du côté opposé, vers Danesheld, il rencontrerait presque immédiatement le garde-côte, son camarade de la station voisine. Le point de rencontre du parcours qui leur était assigné à tous deux étant très rapproché. Deux idées préoccupaient l'esprit de Michel et le décidèrent à prendre ce dernier parti. C'était d'abord la terreur de monter seul cet escalier au milieu des rochers et de rencontrer sur son chemin l'adversaire du capitaine Dane. Puis l'espérance, presque la certitude, de ramener avec lui son camarade le douanier et avec son aide de pouvoir enlever le corps de ce pauvre jeune homme avant que la marée l'eût englouti. Il était cependant encore indécis. La tête en feu, dans une espèce d'égarement, Michel s'agenouilla de nouveau près du cadavre. Il remarqua que le visage n'avait pas été contusionné dans la chute. Il écarta les cheveux qui recouvraient le front déjà froid, prit une des mains pour s'assurer si le pouls battait encore, mais il tremblait tellement qu'il la laissa échapper. Elle retomba inerte et lourde comme celle d'un mort. La terreur de Michel redoubla, et le pauvre garçon, sans avoir conscience de ce qu'il faisait, se mit à courir devant lui à toutes jambes, son cœur battant à lui briser la poitrine. Il n'est pas besoin de demander quelle route il suivit. Dans de tels moments d'épouvante irréfléchie, on n'écoute pas la raison, on se laisse entraîner par le premier mouvement, et Michel prit le chemin de Danesheld, n'ayant qu'une seule pensée, y rencontrer son camarade. Il ne devait pas le rencontrer cependant. Soit que l'homme, désireux d'abréger sa faction, c'était plus que probable, eût marché trop vite, soit qu'il se fût blotti, comme il le déclara par la suite, dans une cachette pratiquée au milieu des rochers, surveillant ce qu'il appelait un petit bâtiment suspect, en panne à quelque distance de la côte. Le fait ne fut jamais éclairci. Toujours est-il que les deux douaniers ne se rencontrèrent pas, et que Michel courut vers Danesheld avec des battements de cœur de plus en plus violents. Il ne s'arrêta qu'à la station de la douane, petit bâtiment très bas sur la plage. Du dehors, on aurait dit une grange. À l'intérieur, il consistait en deux pièces et un cabinet avec des lits de camp. La porte, sur la plage, s'ouvrait sur une chambre assez vaste, où quatre hommes, assis autour d'un bon feu, causaient tranquillement. L'inspecteur des douanes Cotton, deux amis qui l'avaient accompagné ce soir-là et un douanier. Les quatre hommes, n'ayant probablement rien de mieux à faire pour le moment, s'entretenaient du scandale du jour. On n'avait pas parlé d'autre chose à Danesheld pendant toute l'après-midi, et il y avait longtemps que le village ne s'était régalé d'un tel plat de nouvelles. L'aventure de Ravensbird, chassé du château à coups de botte dans le dos. Quel ne fut pas l'étonnement des quatre causeurs de voir la porte s'ouvrir brusquement et un homme entrer comme une flèche en poussant des cris aigus. Ils reconnurent Michel. Michel, les cheveux hérissés de frayeur, les yeux semblant lui sortir de la tête, le visage décomposé. « Que diable se passe-t-il? Et à qui en avez-vous ?» s'écria avec colère l'inspecteur Cotton, convaincu que Michel était ivre. Mais le pauvre garçon était incapable de prononcer une parole, malgré ses efforts pour reprendre haleine et s'expliquer. Son cœur battait à l'étouffer. Il s'appuya chancelant contre le mur, les lèvres blanches, de larges gouttes de sueur coulant de son front. Monsieur Cotton commençait à se demander s'il ne venait pas de porter un jugement téméraire. « Pourquoi avez-vous quitté votre station ? Qui vous amène ici dans un pareil état? Où est votre barreuse ? » M. Cotton fit ses questions coup sur coup, de plus en plus étonné et irrité du silence persistant du garde-côte. « Il est mort, il est mort !» bégaya à la fin Michel. « Il faut du secours. Si... » Il ne put en dire davantage. La voix lui manqua. M. Cotton le regarde avec étonnement. Ses deux amis le douanier ouvraient des yeux démesurés. « Qui est mort? De qui parlez-vous » s'écria l'inspecteur. Michel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune parole ne put en sortir. Puis tout à coup il chancela. Si M. Cotton, par un mouvement rapide, ne l'avait pas soutenu, il serait tombé à la renverse. « Qu'est-ce qui lui prend ? » s'écria-t-il. « On dirait qu'il va avoir une attaque d'épilepsie. Couchons-le là. Sims, courez chercher un médecin. » Michel avait en effet une attaque. La frayeur dont il avait été saisi, les efforts violents et prolongés de sa course sur la plage, avaient déterminé une de ces syncopes auxquelles il était sujet dans son enfance.